nous anime, juste le temps d'un café. Moi, une cigarette aux lèvres, au fond d'un vieux troquet. Une cigarette, un café. Deux, trois idées. Éclat de rire et de voix d'une jeunesse qui s'émancipe quand la